3. D'abord la définition. Il n'y a pas 10 000 de définition des choses. Et quand on me définit la sphère, le solide engendré par la révolution d'un demi-cercle autour de son diamètre, on ne me définit qu'un nom. Sans doute, on vous apprend par là le sens d'un nom. Mais on vous apprend encore bien autre chose. On vous annonce que toutes les propriétés de toute sphère dérivent de cette formule génératrice. On réduit une donnée infiniment complexe à 2 éléments. On transforme la donnée sensible en donnée abstraite. On exprime l'essence de la sphère, c'est-à-dire la cause intérieure et primordiale de toutes ses propriétés. Voilà la nature de toute vraie définition. Elle ne se contente pas d'expliquer un nom. Elle n'est pas un simple signalement. Elle n'indique pas simplement une propriété distinctive. Elle ne se borne pas à coller sur l'objet une étiquette propre à le faire reconnaître entre tous. Il y a en dehors de la définition plusieurs façons de faire reconnaître l'objet. Il y a telle autre propriété qui n'appartient qu'à lui. On pourrait désigner la sphère en disant que, de tous les corps, elle est celui qui, à surface égale, occupe le plus d'espace, et autrement encore. Seulement, ces désignations ne sont pas des définitions. Elles exposent une propriété caractéristique et dérivée, non une propriété génératrice et première. Elles ne ramènent pas la chose à ses facteurs. Elles ne la recréent pas sous nos yeux. Elles ne montrent pas sa nature intime et ses éléments irréductibles. La définition est la proposition qui marque dans un objet la qualité d'où dérivent les autres, et qui ne dérive point d'une autre qualité. Ce n'est point là une proposition verbale, car elle vous enseigne la qualité d'une chose. Ce n'est point là l'affirmation d'une qualité ordinaire, car elle vous révèle la quantité qui est la source du reste. C'est une assertion d'une espèce extraordinaire, la plus féconde et la plus précieuse de toutes, qui résume toute une science, et en qui toute science aspire à se résumer. Il y a une définition dans chaque science. Il y en a une pour chaque objet. Nous ne la possédons pas partout, mais nous la cherchons partout. Nous sommes parvenus à définir le mouvement des planètes par la force tangentielle et l'attraction qui le compose. Nous définissons déjà en partie le corps chimique par la notion d'équivalent et le corps vivant par la notion de type. Nous travaillons à transformer chaque groupe de phénomènes en quelques lois, forces ou notions abstraites. Nous nous efforçons d'atteindre en chaque objet les éléments générateurs, comme nous les atteignons dans la sphère, dans le cylindre, dans le cercle, dans le cône et dans tous les composés mathématiques. Nous réduisons les corps naturels à 2 ou 3 sortes de mouvements, attraction, vibration, polarisation, comme nous réduisons les corps géométriques à 2 ou 3 sortes d'éléments, le point, le mouvement, la ligne, et nous jugeons notre science partielle ou complète, provisoire ou définitive, suivant que cette réduction est approximative ou absolue, imparfaite ou achevée.